Je vais t'apprendre les pas danseuses. Mais je vais vous montrer quelques pas de danse de Chili pour seulement pour que vous. C'est fini.